Les sirènes. Sachez-je d'où provient, sirène, votre ennui quand vous vous lamentez au large dans la nuit? Mère, je suis comme toi, plein de voix machinées, et mes vaisseaux chantants se nomment les années.